tu partiras, que tu prendras la route, tu emmèneras avec toi tes doutes, c'est comme ça, on n'y échappe pas. Ou que tu cours sur des routes interminables, que tu fuis l'amour, que tu cherches le diable, tu te retrouveras face à toi. Si tu regardes dans le miroir, que vois-tu au fond de ton regard? Qui te plaît, qui t'effraie, puis qui disparaît? Ne vois-tu pas que les barreaux de ta cage ne sont que des reflets dans ton image? Tu devras apprendre à te surprendre. Et tu rencontreras sur le chemin des fous, des rois sur l'échiquier du genre humain. Et tu leur parleras d'abord de toi. Mais si tu sais apprendre à te taire, apprendre à écouter, écouter leur mystère, tu redécouvriras bien des choses en toi. Si tu regardes dans le miroir, que vois-tu au fond de ton regard? Qui te plaît, qui t'effraie, puis qui disparaît? Ne vois-tu pas que les barreaux de ta cage ne sont que des reflets dans ton image? Tu devras apprendre à te surprendre. Toutes les barrières que tu croyais immuables, rongées par la mer, érodées par le sable du temps, s'effritent à présent. Et dans les décombres laissés par les tempêtes, tu sortiras de l'ombre, redresseras la tête, et cette fois tu verras, tu seras fier de toi. Si tu regardes dans le miroir, que vois-tu au fond de ton regard? Qui te plaît, qui t'effraie, mais que tu connais. Tu réalises que les barreaux de ta cage n'étaient que des reflets dans ton image. Que tu n'as pas de raison de rester si sage, qu'il est temps pour toi de tourner la page.